الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما في هذه الحصة إن شاء الله سنتكلم عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وسنذكر كلاما لابن تيمية رحمه الله في عقيدته القيمة ألا وهي العقيدة الواسطية. ولقد اقتطفت عبارات يعني لم أبادر بتفسير بترجمة العقيدة الواسطية للغة الفرنسية يعني كلها ولكن أخذت منها مقتطفات. C'est-à-dire, on va parler aujourd'hui de l'affirmation du kalam d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire dans le sens de la parole d'Allah. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Allah? Et j'ai pris. On va toujours continuer sur le dogme sifat d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et on va essayer de le terminer si on peut, parce que c'est un sujet large. Et beaucoup de sectes, ils ont divergé là-dessus, y compris les Asha'ira, les Kullabiya et les Mu'tazila. Mais alhamdoulilah, les Ahl-Sunnah, ils sont sortis des divergences et des pressions qu'ils ont soumis à l'époque, surtout l'imam Ahmed, rahimahullah, il a beaucoup souffert. À un moment, on lui a interdit de faire la fatwa. Il était sous résidence surveillée. Oui, ça existe même à l'époque de l'imam Ahmed. Il existe qu'on met des savants sous surveillance, sous résidence surveillée, c'est-à-dire on leur donne pas le droit de sortir la fatwa. Et mais c'était à l'époque, c'était pas un problème de mécréance de l'imam, mais c'était au sein de la communauté musulmane, c'était un problème du dogme, c'était un problème qui concerne la parole d'Allah. Hein? C'est plus comme cette époque où on met les savants en prison parce qu'ils propagent la vérité. Parce que c'est les mécréants qui ont comploté pour qu'on les mette en prison. ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على كلام الله تعالى وأن القرآن من كلامه تعالى. L'auteur il évoque les versets qui confirment le kalam d'Allah, la parole d'Allah, et que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ça, c'est très important comme point. Il a évoqué des versets. Le premier verset, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Le premier verset, et qui est donc plus véridique qu'Allah en son discours. Qui est plus véridique, rahmukallah, qui est plus véridique qu'Allah en son discours. Ça veut dire qu'Allah, il a un discours, il a une parole. Et ce discours, il est attribué à lui. Deuxième verset, l'ayat thaniya, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui donc est plus véridique qu'Allah en sa parole. C'est-à-dire la parole qui lui appartient, sa parole. وَمَنْ. Et qui donc est plus véridique, ça veut dire quoi? C'est une interrogation qui signifie la négation. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas égaux. C'est une interrogation qui signifie la négation. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ يَعْنِي لَيْسَ هُنَاكَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Et qui donc est plus véridique qu'Allah en sa parole? Ça veut dire il n'y a pas de parole plus véridique que celle d'Allah. Le troisième verset, et ça c'est le verset le plus frappant. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. Le verset de la sourate de l'Maïda. Allah il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira, il dira, oh Jésus. Donc c'est quoi? C'est un appel. Allah il va appeler Isa alayhi salam. Il va l'appeler. Ça veut dire quoi? Qu'Allah il parle. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle et comme il veut. Là, il a évoqué un appel. Rappelle-leur le moment où Allah dira ô Jésus, c'est-à-dire Yunadi, il va l'appeler ô Jésus, ô Isa ibn Maryam. Est-ce que toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour Dieu, pour deux divinités en dehors d'Allah, il dira gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes, tu es en vérité le grand connaisseur dans tout ce qui est inconnu. D'accord ? Donc c'est une affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle et que sa parole est entendue. Wa idh qala Allahu ya Isa. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله réponse de عيسى قال سبحانك réponse de عيسى pureté à toi gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Ça veut dire qu'il y a une question et une réponse. Ça veut dire qu'Allah il parle et il appelle comme il veut subhanahu wa ta'ala. C'est pas une voix comme la nôtre. Nous quand on parle c'est un mouvement de langue. C'est tout un système nerveux qui travaille, c'est une langue qui est innervée par des nerfs, et c'est des nerfs moteurs, et c'est un muscle qui bouge, etc., etc. Et c'est une vibration de... c'est des ondes sonores, c'est une vibration de l'air. Allah subhanahu wa ta'ala, la pureté à lui, il ne ressemble pas à ses créatures. Hein? Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Négation, nul ne ressemble à lui. Nul ne ressemble à lui dans sa parole, nul ne ressemble à lui... Et dans tous ses noms, dans sa miséricorde, nul ne ressemble à lui dans tous ses attributs, mais confirmation, affirmation qu'il est samia, affirmation qu'il est audient, affirmation qu'il est clairvoyant, affirmation qu'il est miséricordieux, on affirme. Toujours, quand il s'agit de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, c'est d'abord une négation et une affirmation. On enlève tout ce qui est mauvais, on enlève tout ce qui est association, on enlève pour bâtir la ilaha illallah. On ne bâtit pas une maison sur une terre argileuse, une terre où il ne peut pas tenir. On enlève cette terre jusqu'à chercher le support, la base, le substrat qui peut résister. On enlève du shirk, on enlève tout ce qui entache Allah subhanahu wa ta'ala et on met la ilaha, et on met Allah l'unique subhanahu. Laysa kamithli shay, de même dans les noms et les attributs, c'est une négation et une affirmation. Négation, laysa kamithli shay, nul ne ressemble à lui dans tous ses attributs, mais en même temps, affirmation qu'il est Allah, affirmation qu'il est audient, clairvoyant, affirmation qu'il possède les noms, tous les noms et les attributs, affirmation qu'il possède les 99 noms qu'il nous a apportés à nous. Qu'on peut lire dans le Coran et dans la Sunna, les 99 noms. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'autres noms. Il a d'autres noms dans le monde de l'invisible. Parce qu'il l'a dit dans un hadith, As'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bi nafsak, ou anzaltahu fi kitabik, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou ista'tarta bi ilmi al-ghaybi indak. Je t'implore, par tous tes noms, les noms que tu as enseignés à tes créatures, les noms que tu as révélés dans tes livres et les noms que tu as cachés dans ton monde, dans le monde de l'invisible. Ça veut dire qu'Allah il possède d'autres noms, plus que les 99. Mais Allah, pour une raison qu'on ne peut pas savoir, pour une raison, il nous a révélé ces 99 noms qui ont bien sûr une incidence sur le monde où on vit. Il s'appelle miséricordieux, c'est pas abatan. C'est pas comme ça qu'il s'appelle miséricordieux, parce qu'il a créé les cieux et la terre, il nous protège, il nous donne l'oxygène qu'on respire, il nous donne la nourriture, et c'est pour ça qu'il s'appelle miséricordieux. Il s'appelle clément parce qu'il y a des gens qui vont faire des péchés, ils vont faire des bêtises, des choses, et puis après ils vont se repentir. Hein? Il se donne pas des noms comme ça. Hein? D'accord? Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous ne faites pas les péchés, bon, je vais vous enlever, je ramène un autre peuple, qui est d'autres gens qui vont faire des péchés, et que je vais être clément envers eux, parce que je m'appelle le Ghafour. Je m'appelle le Ghafour et je suis clément. On ne traduit pas les noms propres. Le nom propre, il lui appartient, on l'appelle Ghafour et on ne traduit pas le Ghafour par clément. On dit l'attribut, il est clément, mais le nom, on ne change pas. On ne peut pas comme... les dégâts qu'ont fait les chrétiens quand ils ont falsifié, c'est surtout la plus grande falsification des chrétiens de l'évangile, c'était surtout, ça touche surtout la traduction du mot propre, comme Pierre, comme ils ont appelé certains apôtres, ils ont traduit comme Isa et Jésus. Pourquoi ils ont ajouté ce J alors qu'ils doivent garder le nom propre Isa alayhi salam. Isa alayhi salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et sa parole elle est entendue. Et cette parole elle est formée de voix. Allah il a une voix. Une voix et cette parole c'est des phrases, c'est des phrases et des mots. C'est-à-dire quand Allah il a parlé, il a réellement dit أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour de divinité? Il l'a dit ça. Il a dit cette phrase. Il l'a dit avec ses paroles, avec ses mots et avec les mots, avec les lettres. J'insiste, pourquoi? Peut-être que vous n'êtes pas au courant de certaines choses, mais parce que beaucoup de sectes, ils ont dévié là-dessus. Est-ce qu'il est la parole d'Allah? Est-ce que c'est des lettres et des mots? Est-ce que c'est une voix? Est-ce qu'ils ont beaucoup dévié? Mais Allah, il protège le dogme du salaf avec des savants. Donc, alhamdoulilah, on a le vrai dogme, le vrai attribut d'Allah, et on le comprend comme l'ont compris les compagnons. Hein? On le comprend comme l'ont compris les compagnons, radiallahu anhum, et ceux qui les ont suivis dans les bonnes œuvres. Hein? Qui les ont suivis, ils les ont pris comme modèle dans leur souffrance, dans leur propagation de science, etc. Donc c'est une parole formée de phrases, des mots et des lettres. C'est ça le dogme de Al-Sunnah. Le quatrième verset, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Surat Al-An'am, la Surat de l'An'am, le verset 115. Que la parole de ton Seigneur s'accomplisse en toute vérité et toute justice. Dans une autre traduction, j'ai trouvé et toute équité, mais il est préférable de prendre toute justice. Donc la parole d'Allah, elle est formée de deux choses. Allah, il a dit que la parole de ton Seigneur s'accomplisse en toute vérité et en toute justice. Vérité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on peut juger véridique ou non véridique. C'est le khabar, c'est l'information. Quand une information il vient, soit elle est véridique, soit elle n'est pas véridique. Soit l'information elle est vraie, soit elle n'est pas vraie. Donc la parole d'Allah, elle est formée d'informations. Allah il nous a informé du jugement dernier, il nous a informé des djinns, il nous a informé des anges, il nous a informé des sciences, donc véridique ce qu'il dit. Maintenant, justice, hein, s'accomplisse en toute vérité, point, et en toute justice. Toute justice c'est concernant quoi? Hein? Toute justice concernant quoi? Concernant les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah il décide une loi, quand Allah il nous dit حرمت عليكم الميتة والدم, il vous est interdit le mort et le sang, c'est ça, c'est une loi. Et donc la loi c'est quoi? C'est une obligation. Là c'est une, il nous demande de nous priver, d'éviter de manger, حرمت عليكم الميتة, éviter de manger le mort et le sang. Ça c'est les lois. Et la loi relève de quoi? De la justice quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vérité, information. Justice, loi, halal, haram, wajib, mandoub, mustahab, les lois là qu'on trouve dans la jurisprudence. Est-ce que ça c'est un pilier? Est-ce que ça c'est une obligation? Est-ce que ça c'est une sunnah? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est des lois, hein? D'accord? Quand quelqu'un te dit fais ça, est-ce que tu vas lui dire est-ce que tu es cette parole est véridique ou non véridique? Non. Et une loi, c'est quoi? Une loi, quand Allah il demande, c'est l'obéissance. Mais Allah, quand il informe, c'est une confirmation. Vous arrivez à faire la part? La parole d'Allah, c'est soit des informations, parler de l'enfer et tout. Donc quand il nous informe, véridique ce qu'il dit. Donc c'est khabar. Et il est formé aussi de loi. Vous faites ça, vous faites pas ça. Ça, c'est ça le Coran. Le Coran, c'est soit des informations, soit des lois. Et les lois, les savants de la jurisprudence, c'est eux qui peuvent déduire, extraire les lois. Soit vous dire, par exemple, ça c'est un pilier, soit vous dire que ça c'est fard, une obligation, soit vous dire que ça c'est sunna, c'est mustahab, c'est-à-dire si tu le fais, c'est bien, si tu le fais pas, c'est pas grave, ça c'est des lois. Donc quand il s'agit des lois, c'est la justice, quand il s'agit de l'information, c'est la vérité. Donc c'est ça la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال المفسرون لزجزجت إذن صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام véridique dans les informations et justice dans les lois. Dans le cinquième verset, وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. Allah a réellement parlé à Moussa sans intermédiaire, sans Jibril عليه السلام directement. وكلم الله موسى تكليما. كلما c'est un verbe فعل ماض مبني على الفتح. الله c'est lui, c'est le sujet, l'ism karim, c'est le sujet. Allah c'est lui qui a parlé, et Moussa مفعول به, مفعول به منصوب. تكليما c'est pour confirmer. كلما تكليما, deux fois il se répète. D'abord le verbe kallama, et deuxièmement c'est taklim, et taklim bien sûr c'est ce qu'on appelle en arabe al-masdar al-mu'attid, c'est une confirmation. Ça veut dire qu'Allah il a parlé à Moussa d'une vraie parole. Allah il a réellement parlé à Moussa. D'accord. فكلم الله سبحانه وتعالى لموسى كلام حقيقي. Allah il a parlé à Moussa d'une vraie voix, d'une vraie parole, avec des voix, avec des mots, avec des lettres. Mais cette voix, elle ressemble pas à la voix des créatures. Donc, il a vraiment parlé, et Moussa, il a entendu. Le sixième verset, minhum man kallama Allah. Minhum man kallama Allah. Parmi eux, il en est à qui Allah a parlé. C'est-à-dire, minhum al-rasul. À qui, parmi les prophètes, il y en a à qui Allah il a parlé directement. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تلك الرسل, ces prophètes là, Allah il a mis certains au-dessus des autres, et certains au-dessus des autres, et parmi eux il y en a à qui Allah a parlé directement, sans intermédiaire. D'accord. Mais on n'a pas à dire que cette voix qu'Allah il a parlé d'une voix qui ressemble à celle des créatures, ou que c'est une vibration du vent, ou c'est... Non. Des ondes qu'on peut recevoir par la radio, par... Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Donc, elle ne ressemble pas. Là, il s'est mis les grandes règles, le grand titre dans les attributs et les noms, dans les noms et les attributs, le grand titre que vous pouvez marquer en rouge, Laïsa Kamitliyeshe, négation, nul ne ressemble à lui. وهو السميع البصير, affirmation, il est l'audient, il est le clairvoyant. Ils ont voulu dévier certains, ils ont voulu changer, parce que la langue arabe, il est du moment, regardez, كلم الله موسى تكليما. Si par exemple au lieu de dire كلم الله, on dit كلم الله, tout le sens du verset il change, tout le sens. C'est pour ça, la langue arabe, attention, il faut des gens qui connaissent bien la langue arabe. Parce que on sait jamais, les innovateurs, ils changent une voyelle et ça change la phrase. Et quand ils changent le sens de la phrase, c'est tout un dogme qui change. Tout un dogme. Hein? D'accord. Un grand innovateur, je ne sais pas si c'est Jean Ben Safouane, il est venu chez l'un des grands savants, Amr ibn al-Ala, rahimahullah, c'est l'un des Qurra, l'un des grands savants, c'est-à-dire on dit nous Qara'at Hafs, Warsh, Dawri, Al-Kisa'i, et parmi eux, il y a Amr ibn al-Ala. Il a une Qira'a à lui tout seul du Coran, parce qu'il y a 7 façons de lire le Coran, il y a même 10, mais 7 ils sont vraiment très connus. Mais Amr ibn al-Ala, il fait partie d'eux. Et Jahm, je crois, l'un des Jahmites, l'un des innovateurs, et c'était lourd sur son cœur. Regarde, les innovateurs, c'était lourd sur leur cœur, le fait qu'Allah, il a parlé à Moussa. Donc, il a voulu transformer, au lieu de dire « Kallam Allahu », il lui a dit « Est-ce que tu peux changer ?» Au lieu de dire « Kallam Allahu Moussa Taklima », tu dis « Kallam Allaha ». كلم الله au lieu de الله. Changez juste une voyelle. Et quand il change une voyelle, c'était Moussa qui parle à Allah. pour nier qu'Allah il parle à cette création. Tout ça c'est pour nier la parole d'Allah, pour nier qu'Allah il parle. Et lui a dit d'accord, si je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il y a l'autre verset. L'autre verset c'est ça. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. Là tu peux pas transformer, tu peux pas dévier. Tu vois, c'est vrai que vous comprenez pas, c'est l'arabe pour toucher le sens, mais là il lui sort une autre preuve du Coran qu'on peut pas falsifier, qu'on peut pas changer. Et je vous le traduis, et quand Moïse, Moussa alayhi salam, fut venu à notre lieu de rencontre, Miqat, et que son Seigneur lui eut parlé. Donc Allah, il a vraiment parlé à Moussa alayhi salam. L'autre verset, وَمِنُوا مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ, ça on l'a évoqué. Donc le verset, on peut déduire du verset quoi? On peut déduire du verset que Allah subhanahu wa ta'ala il parle, et cette parole elle est liée à quoi? Elle est liée en vertu de sa volonté. Et là, c'est-à-dire, il a voulu parler, puis il a parlé. C'est-à-dire que c'est quand Moussa il est venu qu'Allah lui a parlé. D'accord? Donc c'est lié à sa volonté. Ah, d'accord? C'est quand Moussa est venu à l'endroit où Allah a décidé, à l'endroit où Allah lui a révélé où il doit être, c'est quand il est là, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا. Et quand Moussa fut venu à notre lieu de rencontre, son Seigneur lui a parlé. C'est-à-dire quand il est venu, Allah lui a parlé. Ça veut dire que c'est lié à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. D'accord? À sa volonté. C'est finalement, là, c'est un attribut de l'acte. Hein, d'accord? Il y a des attributs de l'essence. Allah, il est savant. Il n'a jamais été ignorant, gloire à lui, pureté à lui. Et son savoir, il ne sera jamais touché par l'oubli. Hein? Contrairement au savoir de l'être humain, il était précédé par l'ignorance. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا, et vous êtes sorti du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien du tout. Donc c'était précédé par l'ignorance. Il vous a donné, وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة, il vous a donné l'ouïe, la vue et le cœur pour que vous receviez l'information. Donc c'était précédé par l'ignorance. Et donc le savoir de l'être humain, il est précédé par l'ignorance et il est touché par l'oubli. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais son savoir n'a été précédé par une ignorance et jamais il est touché par l'oubli. D'accord? Mais, c'est-à-dire, c'est un attribut de l'essence. Mais là, c'est un attribut de la volonté. C'est comme Moussa il est venu qu'Allah lui a parlé. D'accord? On ne peut pas dire qu'Allah il a été savant à une époque, puis quand il y avait quelque chose, Allah il est devenu savant. Non, c'était un attribut collé à lui. C'est un attribut de l'essence. Contrairement à l'attribut de le kalam, ici, parlons de ce verset-là, c'est un attribut de l'acte, c'est-à-dire quand il est venu, Allah lui a parlé. Donc ce verset signifie que la parole d'Allah est liée à sa volonté, parce que la parole d'Allah est dite quand Moussa est venu, et il ne l'a pas précédé. La parole d'Allah, il n'a pas précédé la venue de Moussa, c'est quand il est venu qu'il lui a parlé. Ce qui implique qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, la parole d'Allah est liée à sa volonté. Et bon, ce qui annule finalement, ce qui annule les prétentions de ceux qui disent que la parole c'est une expression de ce qu'il y a en Allah. Il y a des sectes qui ont dévié là-dessus. Et ce n'est pas lié à la volonté. Ils disent c'est pas lié, la parole d'Allah c'est pas lié à sa volonté. De toute façon c'est des divergences, c'est ce qui est profond dans le dogme des musulmans. Mais le problème, j'aurais pas dû vous dire ça. J'aurais pas dû vous dire ça s'il n'y a pas des sectes qui propagent des mensonges. S'il n'y a pas des sectes qui parlent avec des gens. Comme quelqu'un, moi j'ai rencontré des gens, ça fait 2 mois qu'ils sont dans l'islam, 3 mois ils discutent avec toi des choses qui sont profondes dans le dogme. D'accord? Donc c'est comme s'ils nous ont poussé à détailler là-dessus. Donc c'est un attribut qui est lié à sa volonté et ce n'est pas une expression de ce qu'il y a en Allah. Ils ont dit que la parole, les lettres et les mots, ce n'est pas la parole d'Allah. Hein? Ils ont dit ça. D'accord? Ce n'est pas lié. Ils ont dit que ce n'est pas lié à la volonté d'Allah. Et c'est le dogme d'Ibn Kulayb, c'est un innovateur de l'époque. Il a dit que la parole d'Allah est une seule et même signification subsistant par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, même s'il s'exprime en arabe, et si s'exprime en arabe, c'est le Coran. Si s'exprime en hébreu, c'est C'est la Torah, si s'exprime en la langue syrienne et en syriaque, ça va être l'évangile. Donc, enfin, c'est ce qu'il dit, lui. Mais l'évangile, la Torah et le Coran, c'est différentes significations, différents mots, c'est pas les mêmes choses. Donc, ils disent s'il exprime en arabe, elle est le Coran. S'il exprime en hébreu, elle est la Torah. S'il exprime cette parole en syriaque, elle est l'évangile. Et le Coran arabe, Allah ne l'a pas parlé. C'est ça, c'est dangereux cette parole-là. C'est des innovateurs qui propagent ça et on le propage maintenant. Ou plutôt même, ce n'est pas la parole d'Allah. Il s'agit seulement de sa création. Là, c'est les Mu'tazilites qui disent que ce n'est pas la parole. Le Coran, c'est pas la parole d'Allah, c'est la création d'Allah. Comme s'il a créé l'arbre, il a créé les montagnes, ben il a créé le Coran. D'accord? Et les dangers de ce dogme, ça mène vers des choses quand ils ne considèrent pas que le Coran, le Karim, quand ils ne considèrent pas que ces paroles-là, quand ils ne considèrent pas que ces paroles-là, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les parle, il a dit ça. Il a dit ce verset, il a dit, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Il l'a dit, subhanahu wa ta'ala, des phrases et des mots, mais avec une voix qui ne ressemble pas aux voix des créatures. C'est perfection. Donc c'est de toute perfection, c'est sa parole à lui, c'est un attribut à lui. C'est un attribut qui lui appartient. C'est un attribut de toute éternité, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas quelque chose qui est créé. C'est pas quelque chose qui est créé. D'accord? Et c'est ça qui a fait la souffrance de l'imam Ahmed à l'époque. Donc quand on considère qu'il est créé, je crois que quand on considère qu'il est créé, on peut l'écrire et on le met dans ce forme de l'herz. Comment on appelle ça? Le talisman. Et on rentre avec aux toilettes maintenant. Hein? C'est ce qu'ils font dans certaines écoles. On rentre avec aux toilettes. Mais ça part de ce dogme d'abord. On l'explique que c'est le Coran qui l'est créé pour qu'il n'y ait pas de valeur pour lui. C'est-à-dire s'il le piétine, comme il a piétiné, tiens, il a piétiné la pierre, il a mis le pied sur cet enregistreur, c'est pareil que sur le Coran. C'est une créature, ça c'est une créature, ça c'est une créature. Si? T'as vu le danger de ce dogme, de ce mauvais dogme? T'as vu comment les ennemis d'Islam, comment ils rentrent, comment ils s'infiltrent? D'accord? Et quand on considère qu'il est créé, ça veut dire que ces lois ne valent pas grand-chose, hein? D'accord? Mais quand on considère que c'est un attribut d'Allah, et c'est une parole d'Allah, sidqan wa adlan, de toute justice et de toute véridicité, de toute justice, ça veut dire que sa justice doit être sur cette terre, hein? Puisque c'est sa parole à lui, et c'est son attribut. Donc, c'est tellement son attribut que lui, il a parlé réellement, que vraiment lui, il parle, et nous, on se soumet à ce qu'il a dit. D'accord? Mais quand on considère qu'il a créé, ben il a créé un arbre, il a créé une étoile, et ça ne veut rien dire. Hein? Hein? Fermer les yeux devant une étoile, ça ne veut rien dire. De toute façon, une pierre, tu l'as, c'est une créature, une pierre, tu vas la jeter comme ça, c'est rien. Et puis, le Coran, c'est rien, c'est une créature d'Allah. D'accord? Mais quand on considère que c'est une parole, quand on considère que c'est sa propre parole, là, ça fait ce que ça fait. D'accord? Ça renforce le dogme du musulman, ça mène à ce qu'il donne son sang pour ce Coran-là. À ce qu'il donne son sang pour que les lois qui sont là, ils s'appliquent sur cette terre. Il s'agit seulement de sa création en certains corps. Donc, Ibn Taymiyyah, il a répondu, la nature corrompue de ses dires est quelque chose que l'on sait obligatoirement. C'est une parole qui est corrompue, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que les significations déjà du Coran ne sont pas les significations de la Torah, les significations de la Torah ne sont pas les significations de l'Évangile, alors à quoi ça sert qu'il dit que si c'est exprimé en arabe, ça va donner le Coran, si c'est exprimé... Mais ça, seulement pour faire dévier les gens du vrai dogme. Le huitième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا » Dans Surat Maryam, verset 52, du côté du droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Nous l'appelâmes, là il a appelé Moussa alayhi salam. Ça veut dire qu'Allah, il appelle aussi. D'accord? Il a appelé Moussa du côté du droit du mont Sinaï. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَنَادَيْنَاهُ. Quand on dit nada, ça veut dire appeler quelqu'un qui est loin. Et Najwa, ça veut dire parler. On a parlé de ça dans le cours précédent. Mais يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. S'il y a trois qui se parlent, qui se discutent à basse voix, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le quatrième. Et bien sûr, on a expliqué qu'Allah, il est avec eux, tout en étant au-dessus des cieux, tout en étant, il est au-dessus de son trône. Et il n'y a aucune contradiction à ce qu'il soit au-dessus des cieux et à ce qu'il soit avec ses créatures. D'accord? L'exemple qu'a donné, un exemple frappant qu'a donné Ibn Taymiyyah rahimahullah, on dit, la lune est avec nous. Et pourtant, la lune, elle est au-dessus de nous. On dit, elle est avec nous. D'accord, le voyageur, il dit, moi je voyage avec, on était en train de marcher et la lune, elle est avec nous. D'accord, elle est au-dessus de nous et en même temps, elle est avec nous. Donc, il n'y a aucune contradiction. Et quand c'est vérifiable concernant les créatures, donc, c'est confirmable au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il a appelé Moussa alayhi salam. Donc il y a Najwa, c'est à basse voix, et Najwa c'est proche, et Nida c'est quand il est loin. Al-Ayat Tasi'a, le 9e verset. Qala ta'ala wa idh nada rabbuka Moussa an i'ti al-qawm al-zalimin. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dans Surat Shu'ara, le verset 10, Surat 26, verset 10. Et rappelle-toi, lorsque ton Seigneur appela Moussa, rends-toi, va vers ce peuple injuste. Allah, il va dire à Moussa, va vers ce peuple injuste. Il a utilisé cette phrase, il a parlé avec ses mots-là et avec cette phrase. D'accord? Mais cette parole, la parole, il ne ressemble pas à la parole des créatures. Le 10e verset, l'ayat al-ashira, وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. Surat al-A'raf, dans Surat al-A'raf, le Surat 7 et le verset 22, et leur Seigneur les appela, il a appelé Adam ou Hawa, et leur Seigneur les appela, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que Satan était pour vous un ennemi déclaré? Ne vous ai-je pas dit? C'est-à-dire, Allah, il va les appeler. Il va les appeler. Et donc, il les a déconseillés de toucher à l'arbre, etc. Et après, il leur a dit, ne vous ai-je pas auparavant dit que ne vous ai-je auparavant interdit l'arbre? Donc, nadahuma, il leur a appelé, il les a appelés. Le 11e verset, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Ça c'est le jour du jugement. Et le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous au messager? Il va dire à chaque communauté, qu'est-ce que vous avez répondu à ce messager qui a propagé le message? Il a eu la révélation. Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est-à-dire, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Le prophète il sera témoin sur vous. Donc qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous allez répondre à ce prophète? Nous, qu'est-ce qu'on va répondre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Chaque communauté, elle va répondre à son prophète. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Est-ce qu'il lui a obéi? Est-ce que vraiment il l'a suivi ou il l'a pas suivi? D'accord? Et le prophète que personne n'a obéi, il vient et il vient tout seul. Il se présente devant Allah tout seul. Hein? عرضت عليه الأمم فرأيت الرجل ومعه فرأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي ومعه الرهط والرهيط ورأيت النبي وليس معه أحد. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, j'ai vu défiler devant moi les communautés et j'ai vu le prophète. Le prophète, avec lui, il y a deux hommes. Et j'ai vu le prophète, avec lui, il y a même pas une dizaine. Et j'ai vu le prophète où personne ne l'a suivi. Mais le prophète, que personne ne l'a suivi, il se présente devant Allah, témoin, devant sa communauté, et il se présente tout seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mada ajabtum al-mursalin. Et le jour où il les appellera et qu'il dira, que répondiez-vous au messager? La sourate 28, le verset 65. رأيت الرجل رأيت النبي مع الرجل ورجلان ورأيت النبي مع الرهيب الرهط أو الرهيب ورأيت الرجل وليس معه أحد. C'est-à-dire, rappelle-toi le jour où il les appellera, le jour du jugement, et qui va appeler Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va appeler, il va dire qu'allez répondre à mes messagers. Donc ce verset, il y a l'affirmation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il y a d'abord l'appel, et puis il y a le dire. Il a appelé et il a dit. Al-nada wa qal, al-munadat wa al-qawl. Le verset, c'est là. وناديناه لا ويوم ويوم يناديهم اللي زابل فيقول لزوه اللي زابل إيه البادير donc s'il y a un il va appeler et il va dire donc deux choses. Donc le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la parole d'Allah, le dogme concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'Allah il parle. عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. le dogme de l'Ahl Sunnah concernant la parole d'Allah, c'est qu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle d'une vraie parole quand il veut, comme il veut, de ce qu'il veut, avec des lettres, avec des voix, et que tout ça ne ressemble pas à ces créatures. Ça, c'est le grand titre du dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a concernant la parole d'Allah. Claire et nette. Allah yatakallamu bi kalamin haqiqi mata sha, kayfa sha, bima sha, bi harfin wa sawtin la yumathilu aswat al makhluqin. Il parle d'une vraie parole, réelle, une vraie parole, quand il veut. Allah, quand il a amené Moussa alayhi salam, il l'a appelé quand il veut. Le temps, quand il veut, lui, il parle. Kaifasha, comme il veut. Comme il veut, lui, subhanahu wa ta'ala. Le comme, on ne le sait pas. Kaif, le kaif. Majhoul, ghayr ma'koul. Bimasha, de ce qu'il veut. Soit un ordre, soit une information, de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Biharf, de lettres. Wasout, d'une voix. La yumatil wa aswat al makhlouqid, il ne ressemble pas aux voix. Aux voix de ces créatures. Donc, c'est affirmation qu'Allah il parle, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, affirmation que le Coran, c'est la parole d'Allah. Maintenant, on va parler que le Coran est la parole d'Allah. La preuve, dans le Coran lui-même. Dans le Coran lui-même, la preuve que c'est la parole d'Allah. Al-Aya al-Ula. Wa in ahadun min al-mushrikin astajaraka. فأجره حتى يسمع كلام الله. Dans sourate Tawba, la sourate 9, le verset 6, et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah. Si un associateur il vient, il demande asile, ben accorde-lui cet asile. C'est-à-dire, il ne faut pas à première vue, il ne faut pas lever l'épée, lui couper la tête ou l'emprisonner. Non. Il faut d'abord lui montrer le chemin. Accorde-lui jusqu'à ce qu'il entende quoi la parole d'Allah. Et c'est quoi la parole d'Allah? C'est le Coran. C'est-à-dire, la parole d'Allah, c'est le Coran. Donc, preuve que le Coran, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas créé. Aqidat al-Sunnah al-Jama'a fil Qur'an. Yaqulun, inna al-Qur'an kalamullah, munazzal, ghayru makhluq, minhu bada, wa ilayhi ya'ud. Les Ahl Sunnah wal Jama'a disent que le Coran, c'est la parole d'Allah qui est descendue, et est descendue du haut vers le bas, descendue, non créée, et non créée, venant de lui et revenant à lui. C'est-à-dire, le Coran il vient d'Allah et il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est la parole d'Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, ta'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Accorde-lui l'asile afin qu'il entende la parole d'Allah. Descendu, oui, il l'a descendu. La preuve, قال تعالى شهر رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Les jours, ces jours-là du mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, a été descendu, Allah il a dit. Alladhi unzila fihi al-Qur'an, il a été descendu comme guide pour les gens. Surat al-Baqara, verset 185. Et dans un autre verset, vous le connaissez, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Dans Surat al-Qadr, le verset 1. Nous l'avons certes fait descendre pendant fait descendre le Coran pendant la nuit d'Al-Qadr. Il y a l'autre verset aussi, nous avons fait descendre un Coran dans Surat Isra, wa Qur'anan faraqnahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Nous avons fait descendre le Coran que nous avons, un Coran que nous avons fragmenté parce que pour que tu les lises lentement aux gens, et nous l'avons descendu graduellement. D'accord ? Faraqnahu, fragmenté, des versets et des versets. Hein? C'est, il n'est pas révélé en vrac comme ça sur les gens. C'est des versets et des versets. Les lois, c'est doucement, doucement. Hein? D'accord ? Les informations aussi. C'est-à-dire, il n'est pas descendu comme ça. D'accord ? Et ils disent, on explique, غَيْرُ مَخْلُوقٍ. C'est-à-dire, le Coran, il n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمَرُ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمَرُ. La création et l'ordre n'appartient qu'à lui. La création et l'ordre n'appartient qu'à lui. Et donc, il a fait la distinction entre la création et l'ordre. Donc, la création, c'est une chose, et l'ordre, c'est autre chose. La création, c'est une chose, et l'ordre, c'est autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Un esprit, je vais expliquer ce que ça veut dire, esprit. Un esprit, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Dans Surat Shura, dans Surat 43, le verset 52, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, ça veut dire dans ce verset le Coran, un esprit provenant de notre ordre. Et bien sûr, la suite du verset, il explique le début. C'est ce qu'on appelle, il peut être expliqué par Siyar. Il se peut que le verset soit expliqué par le verset qui vient devant. D'accord ? Provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc une lumière par lequel ça revient à l'ordre. Hein? Par lequel ça revient à l'ordre. Donc ça veut dire que cet ordre-là, c'est le Coran. D'accord ? Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi. Mais nous avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Lumière avec laquelle Allah il guide, c'est quoi? C'est le Coran. C'est la lumière avec Allah il guide. En arabe, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ. جَعَلْنَاهُ ça veut dire le roh, le Coran. Le Coran, ja'alnahu nuran, nous avons fait de cet ordre une lumière, nahdi bihi, par lequel nous guidons, nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, min ibadina. Donc lumière, ça revient à l'ordre d'Allah, ça revient à ruh, min amrina, ça revient au Coran. Donc amr ici, ordre ici, c'est le Coran. Donc Allah il dit, alalahu al-khalq, à lui appartient la création et l'ordre. La création, c'est tout ce qu'il a créé. L'ordre, c'est le Coran. D'accord ? Donc il a fait la distinction, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit, à lui appartient la création et l'ordre. Donc il a fait la distinction. Ça veut dire qu'il a fait la distinction entre ce qu'il a créé et ce qu'il a ordonné. Et ce qu'il a ordonné, ce qu'il a ordonné, se trouve où ? Il se trouve où, ce qu'il a ordonné ? Dans le livre des philosophes, il se trouve où ? Où est-ce que tu vas trouver les ordres d'Allah ? C'est dans le Coran. Ça veut dire qu'il n'est pas créé. Ça veut dire que c'est ça, sa propre parole. Maintenant, j'explique minhu bada, c'est-à-dire une phrase, je prends terme par terme et je vous donne ce que disent les grands savants là-dessus. C'est-à-dire les savants du Salaf qui ont protégé cette religion. Minhu bada, الصديق هو الذي ابتدأ به وتكلم به أولا. منه بدأ. Le Coran vient de lui en premier. Il vient d'Allah سبحانه وتعالى. والقرآن أضيف إلى الله وأضيف إلى جبريل وأضيف إلى محمد صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que le Coran il a été attribué une fois. Il a été attribué à Allah, c'est le départ, ça vient d'Allah, mais Allah l'a attribué aussi à Jibril et l'a attribué à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Jibril comme quoi? Comme transmetteur, comme simple transmetteur, et Rasulullah sallallahu comme simple transmetteur. Mais qu'est-ce qu'il transmet? C'est la parole d'Allah. Ah oui, parce que dans la sourate là, dans la sourate, les exégètes, ils ont expliqué Rasoul Karim et des Quwa, ils l'ont expliqué par Jibril alayhi salam. Parce que c'est Jibril qui vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui ramener le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, déjà ça c'est une caractéristique de Jibril quand il parle de doué. Zi quwwatin 'inda bil 'arshi matin, zi quwwa, il parle de Jibril alayhi salam. Muta'in thumma amin. Amin, on l'appelle la créature de confiance de celui qui est des cieux. Et la créature de confiance, aminu man fis sama' wa aminu man fil ard, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est de toute confiance sur terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre communauté. Et celui qui est de toute confiance dans les cieux, c'est Jibril alayhi wa sallam. Les autres versets de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Là il parle de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que les fils d'Israël, là ils parlent des juifs, ils parlent de ceux qui ont falsifié, qu'ils entendent vraiment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il la change. Eh bien, espérez-vous, vous les musulmans, que des pareils gens, c'est-à-dire les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ça concernant, ça veut dire que la parole, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas une parole qui a été créée. L'autre verset aussi. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. Ils veulent changer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset de sourate al-Fath, le verset 15. Et de même dans un autre verset, واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. Et lis ce qui a été révélé dans le livre de ton Seigneur. Personne ne peut changer les paroles d'Allah. La mubaddila li kalimati. Je termine avec la phrase qui dit que minhu bada wa ilayhi ya'ud, c'est-à-dire inna al-Qur'an kalamullah munazzal ghayru makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. On a expliqué le Coran, c'est la parole d'Allah, on a donné les preuves. Descendu, on a donné les preuves. Non créé, on a donné la preuve. Venant de lui, on a donné la preuve. Revenons à lui maintenant. C'est-à-dire que le Coran, il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y a personne qui dit la ilaha illallah, le Coran, la parole d'Allah, elle est tellement de toute perfection, qu'elle ne reste pas entre les mains de gens qui disent pas la ilaha illallah. Et il est noble cette parole, et il est de toute perfection, qu'elle est exaltée soit-elle, elle est très haute, qu'elle soit dans un milieu où il y a des associateurs ou des polythéistes. Quand il n'y a personne sur terre qui dit la ilaha illallah, la parole, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Elle revient à lui. La preuve, hadith, يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. سان بيرسي رابورتي بار ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. حديث رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الشيخ الألباني حفظه الله. حديث كي ايتي رابورتي بار ابن ماجه والحاكم Et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est Hadith Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il a dit Yadrusu l'islam comme Yadrusu washu tayb, sauf, c'est-à-dire que l'islam, il ne va plus être applicable, l'islam, il va être étranger à un moment, comme le dessin, c'est-à-dire washu tayb, sauf, quand on fait un dessin dans un tissu, un décor, brodé. Cette brodure, elle commence à se, avec le temps, à se délier, les fils commencent à se dissiper, à se dépiler. Ben, l'islam, à un moment, il sera comme ça. Il va être étrange. Personne ne va lire le Coran, plus personne ne va être intéressé par l'islam. Et حتى لا يدرى ما صيام. Là, il explique ce qui se passe. Jusqu'au moment où les gens ne connaissent pas ce que ça veut dire صيام. Ça veut dire tout le monde mange le mois de Ramadan et ne s'intéresse pas. ولا صلاة. Ils ne connaissent pas la prière. C'est quoi la prière? Ils ne savent pas ce que ça veut dire. ولا نسك. C'est-à-dire le hajj, tout ce qui est les rites, tout ce qui est gorgé pour Allah subhanahu wa ta'ala et tous ces rites-là. ولا صدقة. Personne ne va donner le monde pour Allah. ولا يسرى على كتاب الله في ليلة et le Coran, la parole d'Allah, il va être élevé vers lui. Comment Allah a'lam, comment il va être élevé, mais les versets vont monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de Coran entre les mains des gens. Il n'y aura plus de Coran. Quand les gens, il n'y a plus de siyam, plus de salat, plus de nusuk, plus de sadaqa, Allah, il a élevé parce qu'il ne mérite pas d'être parmi des gens pourris, des gens qui ne sont pas aptes à mettre la ilaha illallah sur cette terre. D'accord ? Allah, il va élever le livre vers lui. Fi layla, dans une nuit. Fala yabqa fil ardi minhu aya. Il ne reste plus, jamais, il ne reste plus sur terre un verset du Coran. Plus un verset ne va rester. Wa tabqa tawa'ifun minan nas. Et il reste certaines, une catégorie de gens, une partie de gens qui disent. Gens, ils disent, nous avons retrouvé nos parents avec cette phrase. La ilaha illallah. Et nous le disons. Qu'Allah nous protège, qu'on ne soit pas, qu'on ne vivra pas ce temps-là. Il n'y aura plus de prières, plus de jeûnes, plus de rites, plus d'aumônes. Et les gens, ils vont hériter juste cette phrase. La ilaha illallah, ils sont en train de la répéter. Il n'y aura plus de versets sur cette terre. Et la personne qui s'appelle Salat ibn Zufr, c'est-à-dire qui était avec Hudayt ibn Yaman radiallahu anhu, il va lui dire à quoi ça va leur servir, à quoi ça va leur servir de dire la ilaha illallah, alors qu'ils ne connaissent pas ce que ça veut dire la prière, ils ne connaissent pas le jeûne, ils ne connaissent pas les rites, ils ne connaissent pas l'aumône. Et il a répété trois fois cette question. Et à chaque fois, Hudayt ibn Yaman, il se détourne de lui. Et la troisième fois, quand il lui a dit ما تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك. À quoi ça va leur servir? Hudayt, il a répondu, il a dit تنجيهم من النار. Il va les préserver de l'enfer. Wa subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم اجعلنا على عقيدة السلف، اللهم اجعل على هذه الأرض من يحكم دينك وشرعك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Aidez-vous de la patience et de la prière. Et c'est une charge qui est grande, excepté pour les humbles, ceux qui croient à la rencontre de leur Seigneur et qu'à lui ils feront retour.